de tels événements ne pouvaient pas calmer les terreurs des habitants de Verst. D'où l'interdiction formelle de chercher à s'introduire dans le château des Carpates. Voilà ce qu'il fallait conclure de cette déplorable tentative. Et, pendant la première semaine de juin, personne ne s'aventura hors du village. Il va de soi que l'auberge du roi Mathias continue d'être déserte, lorsque l'arrivée de deux voyageurs vient modifier cet état de choses dans la soirée du 9 juin, vers 8 heures. Il s'agit du comte Franz de Télek, âgé de 32 ans, et de son soldat Rotzko, la quarantaine. Ils arrivent tous deux de Craiova, une des principales bourgades de Roumanie. La nuit s'écoula tranquillement. Le lendemain, dès le point du jour, la nouvelle s'est répandue que deux voyageurs étaient descendus au roi Mathias et nombre d'habitants accoururent devant l'auberge. Alors que le comte de Télek pense partir le lendemain pour Karlsbourg, il apprend l'existence du château des Carpates. Après s'être moqué de l'origine surnaturelle ou diabolique proposée pour expliquer les phénomènes qui ont frappé Nick et Patak, le comte en conclut à l'existence de farceurs ou de malfaiteurs venus chercher refuge au château. Et il se propose, une fois arrivé à Karlsbourg, d'envoyer une escouade de gendarmes pour chasser les farceurs ou arrêter les malfaiteurs. « Mais j'y pense, messieurs, » dit alors le jeune comte, « vous n'avez pas encore dit à qui appartient ou appartenait le château des Carpates. »« À une ancienne famille du pays, la famille des barons de Gortz, » répondit maître Kolz. « La famille de Gortz ?» s'écria Franz de Télek. Elle-même ? Cette famille dont était le baron Rodolphe ? Oui, monsieur le comte. Et vous savez ce qu'il est devenu ? Non, voilà nombre d'années que le baron de Gortz n'a reparu au château. Franz de Télek avait pâli, et machinalement, il répétait ce nom d'une voix altérée : Rodolphe de Gortz.